Article 3. Les armées permanentes doivent entièrement disparaître avec le temps. En effet, ces armées étant toujours prêtes pour l'action, sont une menace perpétuelle pour les autres États, qu'elles provoquent à augmenter indéfiniment chez eux le nombre des hommes armés. Cette rivalité, source inépuisable de dépenses qui rendent la paix plus onéreuse que ne le serait une courte guerre, fait même entreprendre quelquefois des hostilités par la seule pensée de se délivrer d'une charge si pénible. D'ailleurs, recevoir une solde pour tuer ou pour être tué, c'est devenir instrument ou machine dans la main d'autrui. On ne voit pas trop comment cet usage que l'État fait des hommes peut être compatible avec le droit absolu que la nature donne à chacun de nous sur sa propre personne. Il en est tout autrement des exercices militaires, entrepris volontairement et à des époques réglées, faits par les citoyens pour se mettre en état de garantir eux et leur patrie des agressions du dehors. La thésaurisation, moyen de puissance militaire plus efficace peut-être que les armées ou que les alliances, pourrait produire le même effet que l'entretien de troupes réglées et, considéré comme une menace de guerre, exciter les autres États à prendre l'avance. Seulement, le difficile est ici de reconnaître exactement la force du trésor.